Depuis que le deuil de sa grand-mère était fini, il réalisait son idéal, parvenait à avoir du cachet. Gilet écossais, habit court, large bouffette sur l'escarpin et carte d'entrée dans la gorge du chapeau, rien ne manquait effectivement à ce qu'il appelait lui-même son « chic », un chic anglomane et mousquetaire. Il commença par se plaindre du champ de Mars, turf exécrable, parla ensuite du cours de Chantilly et des farces qu'on y faisait, jura qu'il pouvait boire 12 verres de vin de champagne pendant les 12 coups de minuit, proposa à la maréchale de parier, caressait doucement ses deux bichons, et de l'autre coude, s'appuyant sur la portière, il continue à débiter des sottises, le pommeau de son stick dans la bouche, les jambes écartées, les reins tendus. Frédéric, à côté de lui, fumait, tout en cherchant à découvrir ce que le Milord était devenu. La cloche ayant tinté, Sissi s'en alla, au grand plaisir de Rosanette, qui l'ennuyait beaucoup, disait-elle. La seconde épreuve n'eut rien de particulier, la troisième non plus, sauf un homme qu'on emporta sur un brancard. La quatrième, où 8 chevaux disputèrent le prix de la ville, fut plus intéressante. Les spectateurs des tribunes avaient grimpé sur les bancs. Les autres, debout dans les voitures, suivaient avec des lorgnettes à la main l'évolution des jockeys. On les voyait filer, comme des taches rouges, jaunes, blanches et bleues, sur toute la longueur de la foule qui bordait le tour de l'hippodrome. De loin, leur vitesse n'avait pas l'air excessive. À l'autre bout du champ de Mars, ils semblaient même se ralentir et ne plus avancer que par une sorte de glissement où les ventres des chevaux touchaient la terre sans que leurs jambes étendues pliassent. Mais, revenant bien vite, ils grandissaient. Leur passage coupait le vent, le sol tremblait, les cailloux volaient. L'air s'engouffrant dans les casaques des jockeys les faisait palpiter comme des voiles. À grands coups de cravache, ils fouillaient leurs bêtes pour atteindre le poteau. C'était le but. On enlevait les chiffres, un autre était hissé. Et, au milieu des applaudissements, le cheval victorieux se traînait jusqu'au pesage, tout couvert de sueur, les genoux raidis, l'encolure basse, tandis que son cavalier, comme agonisant sur sa selle, se tenait les côtes.